Salut, vous êtes sur le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blog.saint-elie.com. Sur ce site, vous pouvez réagir à cette note audio ou réagir aux notes écrites, m'engueuler, me féliciter, m'agonir d'injures, poser une question ou tout simplement faire part d'une réflexion qui vous est arrivée par une nuit sans lune, un moment où vous vous êtes réveillé en sueur tout seul dans le noir. Les arpèges de guitare que vous entendez sont de Ricardo Sweet Rodriguez et ça s'appelle Una Señora de El Salvador. J'aime bien ça, c'est à la fois doux, élégant et dynamique juste comme il faut. Le titre de cette note, c'est Kodak aux amphétamines, parce que Kodak, qu'on pouvait croire un petit peu largué dans la grande vague numérique, Kodak est en train de revenir avec une idée que je trouve vraiment bien. Pour faire un petit flashback, Kodak, c'est un institutionnel de la photo, c'est une boîte à qui tous ceux qui ont fait de la photo, qui étaient des passionnés de la photo à l'époque de la photo argentique, sont forcément un peu attachés. Kodak a fait des trucs vraiment fantastiques et le jour où on fera le grand livre de l'histoire de la photo argentique, les pages écrites par Kodak sont sans doute pas les plus vilaines. Kodak, c'est des trucs comme le Tri-X par exemple, comme la Kodachrome, et plein de choses qui ont vraiment marqué l'histoire de la photo. Et avec la vague numérique, Kodak a pris une grande claque, une vraie grande claque. Par certains côtés, Kodak fait beaucoup penser à IBM d'il y a quelques années. IBM a frisé l'encéphalogramme plat. C'est un espèce de mammouth immobile qui n'a pas vraiment vu arriver ou pas vu la violence avec laquelle arrivait la vague du PC. Et qui, pareil, en a pris plein les dents quand tout ça est arrivé, avec des serveurs plus légers, bien plus légers que ces gros systèmes, etc. etc. Et qui, au prix d'une espèce de révolution sévère, la serpette, a réussi à totalement se redresser et à redevenir le principal acteur de l'informatique. Mais, pour une petite histoire, IBM, c'est le premier vendeur logiciel devant Microsoft. Kodak est un peu en train de faire la même chose, après avoir vraiment eu un très gros passage à vide. Kodak a décidé l'année dernière de prendre un virage à 180 degrés vers le numérique. C'est encore en cours, c'est assez douloureux humainement parce que branche par branche, ils sont en train de virer tout ce qui compte en argentique. Ça veut dire que ça représente pas mal de gens sur le carreau, y compris en France. Il y en a eu pas mal à Chalon notamment qui sont retrouvés à la rue. Ça, c'est pour le mauvais côté humain de la chose. Pour le côté un peu plus enthousiasmant côté de l'entreprise, Kodak est en train, me semble-t-il, de bien négocier son virage numérique avec une gamme d'appareils qui est très grand public, mais avec des interfaces plutôt bien foutues quand on voit ce qui se fait ailleurs. Les interfaces Kodak sont parmi les rares qui sont utilisables très simplement, très pédagogiques, etc. etc. Bon, les appareils Kodak, pour l'instant, pas de quoi vraiment, j'essaye de ne pas être méchant, il n'y a pas de quoi tomber par terre. À une exception près, c'est l'espèce de gros réflexe qu'ils font avec Nikon en baïonnette Nikon et avec Sigma en baïonnette Canon, qui lui est un engin plutôt destiné aux photographes de mariage et assimilés. Pour le reste, les produits Kodak, ils sont sympas, ils sont bien, sans plus. Et là, c'est le CES aux États-Unis, un grand salon de l'électronique grand public. Et Kodak vient de faire une annonce que je trouve vraiment bien, c'est la wifi-sation, on va dire, d'une gamme d'appareils. En gros, ils viennent de sortir un nouveau compact qui, bon, est un bon compact sur lequel, encore une fois, on n'a pas forcément envie de s'arrêter follement. C'est un 4 et quelques millions de pixels avec les fonctions qu'on attend de ce genre d'engin. Sa première caractéristique, c'est d'avoir un écran très grand. Il fait 3 pouces. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on voit habituellement. Habituellement, ils en ont deux, les appareils qui sont bien dotés en écran. Et parallèlement à ce nouvel appareil, Kodak vient de sortir sous forme de carte SD, et ça c'est assez malin, un petit émetteur Wi-Fi. C'est-à-dire que ce nouvel appareil qui rentre dans la gamme EasyShare, qui maintenant va s'appeler pour la partie Wi-Fi EasyShare One, est capable d'envoyer ses photos sans fil. De l'autre côté, ils ont fait une version particulière de leur dock. Le dock chez Kodak, c'est le petit socle sur lequel on pose l'appareil photo et qui connecte automatiquement l'appareil au reste, qui peut recevoir cette carte SD. Ce qui fait que ce système-là permet de faire circuler les photos de l'appareil au dock qui lui-même peut être connecté à un ordinateur, ou de l'appareil à un ordinateur, ou de l'appareil à un autre appareil, absolument sans fil, de façon directe. Et à titre personnel, je crois beaucoup au Wi-Fi. D'ailleurs, je crois beaucoup à toutes les technologies sans fil dans l'informatique, soit du Wi-Fi, de la touffe bleue ou n'importe quelle autre spécification qui viendrait, parce que ça permet de faire disparaître l'informatique. Et ça, c'est vachement bien. Si on regarde calmement, l'informatique, c'est de très très très loin dans toute l'électronique grand public, ce qui a le moins progressé au niveau ergonomie, au niveau esthétique. C'est quand même fou, un PC c'est fait pour être consulté assis, en regardant un écran, les bras tendus en avant, c'est l'anti-ergonomie parfaite, alors que tous les autres secteurs de l'électronique familiale, grand public, ont chacun pas mal évolué au fil du temps, pas forcément, je parle pas de fonction, mais d'utilisation. Si aujourd'hui vous alliez chez un marchand de télé qui vous vend une télé avec un fil qui sort et au bout duquel fil il y aurait la télécommande, ça vous ferait franchement rigoler. Vous lui diriez au revoir monsieur, merci, il y a un malentendu. C'est ce qui se passe sans arrêt dans l'informatique. Vous allez acheter un PC. C'est un bon lapsus, ça, j'ai dit un PC. On vous vend un machin avec des fils qui passent dans tous les coins et qui du coup ne permettent pas de l'utiliser dans des conditions qui soient vraiment relax, qui soient vraiment sympas. Et le sans fil, ça va vraiment dans ce sens-là. Moi, les notes de mon weblog, je les écris dans mon lit. J'aime bien ça le matin. Depuis mon petit portable qui est relié donc sans fil à un petit routeur qui lui-même est relié à Internet. Et cette histoire de Kodak qui rajoute du sans fil à ses appareils, ça va tout à fait dans ce sens-là, dans le sens d'une électronique qui est dispersée dans la maison, qu'on voit pas forcément, et dont on a besoin, mais on n'en a pas forcément la servitude, ne serait-ce que la servitude esthétique, et puis la servitude en matière de branchement, qui a été jusqu'à maintenant le lot de tout ce qui est informatique. J'ai en ce moment, par exemple, à la maison, en test une imprimante, donc ça sans fil, en Wi-Fi de chez HP. C'est vraiment formidable, une imprimante, il n'y a pas plus laid. Il n'y a vraiment pas plus laid, et moi je n'imprime pas toute la journée. Ce qui fait qu'au lieu de l'avoir sous les yeux, branchée à côté d'un ordinateur, cette imprimante, elle est, pour l'instant, elle est dans un placard où on ne la voit pas. Quand je veux imprimer, je fais pomper sur mon iBook et je vais chercher mon papier dans son placard. Où que je sois dans mon plumard, dans le salon, n'importe où, je n'ai pas à me soucier de l'endroit où est l'imprimante, je n'ai pas eu à m'inquiéter de savoir comment j'allais faire passer un fil Ethernet ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très très très agréable. Et au-delà de l'aspect un peu gadget que ça peut avoir aujourd'hui, cette annonce de Kodak d'appareils Wi-Fi, d'appareils photo, Wi-Fi, etc., etc., je trouve que ça s'inscrit dans un... C'est une bonne vision qu'ils ont dans un espèce de mouvement plus global qui va vers une espèce de disparition de tout l'accastillage informatique et des servitudes qui vont avec. Donc rien que pour ça, je trouve que Kodak mérite un applaudissement, et je pense que cette démarche-là, ça sera sans doute la démarche qui va marquer ce début d'année en matière de nouveauté, j'aime pas bien ce terme, mais de nouveauté pour ce qui concerne la photo numérique. Ruston. Vous trouverez l'adresse de son site internet comme celle de celui de Ricardo Sweet Rodriguez sur mon weblog à http://blog.sintelie.com.